On va parler de basketball universitaire. C'est le March Madness, il y a la conclusion à San Antonio et ça a été une victoire quand même assez facile de Villanueva. On va en parler avec, avec notre collaborateur de RDS et de TSN Radio, Peter Yiannopoulos. Salut Peter! Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Peter, avant de faire le bilan de tout ça, il y a une nouvelle qui est sortie hier, je voulais avoir ton opinion là-dessus. Je pensais que c'était mort ce dossier-là, finalement, que Michael Fortier avait décidé finalement de se tourner plus vers le dossier du retour des expos. Mais hier, on apprenait qu'on a mandaté la Chambre de commerce pour un peu une étude de marché, comme on l'a fait au baseball en 2013, pour cette fois la NBA. Ça m'encourage parce que quelque part, le fait que ça travaille, ça veut dire que ce dossier est pas mort. Non, c'est vraiment encourageant comme nouvelle. On sait que on veut le retour des expos à Montréal, puis on travaille très fort. Mais il faut réaliser que les temps aussi ont changé un petit peu, puis le basketball a grandi globalement. Et ici en Amérique du Nord, spécifiquement ici au Canada et au Québec, tout le monde regarde le basketball. Tout le monde est passionné de LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant, James Harden, Anthony Davis, la liste continue. Et maintenant, Michael Fortier, il a une passion, il a un rêve, puis il continue à le faire. Fait qu'il y a un groupe qui est très intéressé d'amener une équipe, une franchise ici à Montréal. Puis je pense que ça continue à se dérouler. Mes sources me disent que, écoute, c'est pas quelque chose que va arriver dans un an ou deux ans. Il y a des fortes chances, mais il y a des chances. Puis c'est ça qui compte. Fait que moi, c'est mon rêve, c'est clair, d'avoir une franchise ici à Montréal. Moi, je sais que ça va marcher. Je sais que tout le monde va embarquer avec une franchise, une équipe de NBA. On voit que juste le territoire de Montréal, de Québec, de Ottawa, de Vermont, New Hampshire, Upstate New York, le monde va venir voir des matchs. Puis avec les compteurs de télévision, les franchises regardent les milliards de dollars qu'ils font. Puis les billets vont être vendus parce que ça va être comme le hockey, ça va être les entreprises qui vont acheter la plupart des billets puis vont donner ça à des familles, à des gens. Fait que je pense que regardez Toronto, c'est incroyable, c'est une des meilleures franchises de la NBA. Puis ils vont terminer en première place maintenant, ils s'en vont dans les séries. Tout le monde pensait que ça s'est jamais arrivé, mais les Raptors, il y a des fortes chances non seulement d'aller en finale de NBA, mais tout le monde dit que c'est une modèle comme une franchise avec Masai Ujiri. Fait pourquoi pas Montréal, Danny? Pourquoi pas? Tout le monde est pessimiste. Mais moi, je dis que c'est possible. Il faut y croire. C'est pas juste une province de hockey ici au Québec. Les temps ont changé. Fait que regardez Toronto, j'ai dit. NBA, les Blue Jays. Pourquoi on devrait être comme ça? Une ville deuxième à Toronto, une province deuxième à Ontario. Fait que moi, j'y crois, Danny. OK. Peter, mais moi, écoute, ce que j'ai dit au monde hier, c'est que la NBA s'est développée beaucoup au Canada depuis 20 ans. Puis là, c'est que ça a donné. Ça a donné des R.J. Barrett, ça a donné des Andrew Wiggins, ça a donné également Kelly Olynyk qui est avec les Celtics. Et là, il y en a d'autres. Mais quand R.J. Barrett arrive, c'est un gars qui parle français. Tu sais, quelque part, là, fais venir un R.J. Barrett de ce club-là à Montréal. C'est pas dit que ça marcherait pas, là. Mais écoute, il y a tellement de joueurs canadiens maintenant dans la NBA. Jamal Murray à Denver, c'est un des meilleurs joueurs maintenant, des jeunes joueurs dans la NBA. On voit avec Tristan Thompson, Corey Joseph, Nick Stauskas, la liste continue, puis il y a encore plus de meilleurs joueurs qui viennent dans le noyau. Mais quand tu dis un R.J. Barrett, c'est le joueur classé numéro un. Il va être le choix de premier ronde en 2019, numéro un au total. Fait que imagines-tu que à Montréal, t'as LeBron James qui vient jouer un soir, puis demain soir c'est Steph Curry, puis Kevin Durant, puis c'est James Harden. Puis tu vois ces joueurs pour jouer à Montréal, ça va être extraordinaire. Puis beaucoup de monde me dit la même chose, Danny. Quand ils vont voir un match de NBA, un match de NBA, c'est totalement différent comme un partisan quand tu vois un match de baseball, de hockey ou de football. Il y a de l'action, il y a du entertainment comme on dit, la musique joue. Le monde sont proches des joueurs, des arbitres, les sièges sont juste à côté du banc. Fait que la NBA, il n'y a pas une meilleure ligue dans le monde que la NBA présentement. Fait que, imagines-tu des joueurs comme ça qui sont à Montréal? Il y a encore beaucoup de joueurs de la France qui parle français aussi. Je pense avec une franchise ici, ça va marcher. OK. Villanueva n'a pas été vraiment inquiété, hein? Mais ils étaient inquiétés pendant quelques minutes. Oui, mais ça n'a pas été ça a pas été une grosse. En deuxième demi, ils ont ouvert la machine. Puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les tirs de trois points, net avantage de Villanueva comparativement à Michigan. Ouais, non, Villanueva, c'est une des meilleures équipes de la NCAA. Ils ont commencé au début de l'année, ils étaient des favoris, puis ils ont gagné le championnat. C'est une équipe qui vraiment joue collectivement. En équipe, il n'y a pas une vedette qui veut le ballon tout le temps. Hier, on a vu Dante DiVincenzo, c'est un joueur qui commence même pas les matchs pour Villanova. Il sort du banc, il a eu 30 points ou plus, 31, je crois. Il était incroyable. Puis Michigan, ils ont bien joué au début. Wagner, il avait le ballon à l'intérieur, on lui donnait beaucoup, puis Michigan menait par 8 points. Mais après 10 minutes, Michigan, ils ont arrêté de donner le ballon à Maurice Wagner. Puis c'est ça la différence. Là, tu vois que Villanova, avec leur défensive, ils ont eu une coupe de panier. Puis après la première demi, ils menaient par 9 points. Puis si tu regardais le match, je pensais que c'est Michigan qui gagnait pendant toute la première demi. Là, tu arrives en deuxième demi, puis tout le monde a commencé à lancer un peu plus de 3 points. Brunson, Bridges, Spellman, Pascal, il a commencé aussi. Mais c'est clair que DiVincenzo, un joueur comme ça, tellement de talent. Puis tu vois avec Villanova, toute l'équipe était tellement contente pour lui parce qu'à chaque match, c'est quelqu'un de différent. Puis beaucoup de crédit va à l'entraîneur-chef Jay Wright parce que gagner deux championnats nationaux en 3 ans, c'est presque du jamais vu. Oui, effectivement. Puis lui, c'est un gars très occupé, semble-t-il. Hein? C'est un gars qui, le matin, puis l'après-midi, puis il coach, puis il n'est pas très occupé dans son agenda, lui. Ben oui, il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Puis je me souviens, moi, quand je coachais à la NCAA à l'Université de Massachusetts, mon entraîneur-chef, c'était Steve Lapis. Puis c'était Steve Lapis qui avait engagé Jay Wright comme son adjoint quand lui était l'entraîneur-chef à Villanova. Fait que lui m'a dit toutes les histoires de Villanova depuis 1985, quand ils ont gagné le premier championnat avec Rolly Massimino. Ils ont battu Georgetown avec Patrick Ewing. Mais Jay Wright, c'est un gars avec une éthique de travail incroyable. Il se lève le matin, il travaille, il recrute, il est là pour développer ses joueurs, il est dans la communauté, il travaille avec l'équipe USA nationale aussi. Fait, écoute, lui, il va avoir beaucoup d'appels, je te dirais, mon Danny, dans les 2-3 prochaines semaines, dans quelques mois, parce que si je suis une équipe de la NBA, une franchise, puis je cherche un nouveau entraîneur-chef, je pense qu'on a vu le succès de Brad Stevens avec les Celtics de Boston. On a vu Billy Donovan qui a gagné 2 championnats nationaux avec Florida, son succès avec OKC, Oklahoma City. Je pense que il y a beaucoup d'équipes qui vont appeler l'agent de Jay Wright et vont lui demander ou leur offrir beaucoup d'argent de quitter Villanova pour la NBA. Ça reste à suivre s'il va le faire, mais si j'étais les New York Knicks, une franchise qui a beaucoup, beaucoup de problèmes pendant beaucoup d'années, je te dirais, moi, je lui donne un chèque, puis je lui dis comment tu veux, puis viens-t'en à New York, mon ami. Ouais, effectivement. Hey, dis-moi, puis surtout, Philadelphie, New York, c'est pas tellement loin. Qu'est-ce que tu retiens du March Madness? Moi, ce que je retiens, c'est l'histoire de Loyola Chicago, puis UNMB qui ont battu Virginia. C'est les deux surprises que je retiens du March Madness, vraiment 2018. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, Danny, quand tu penses que il y a eu beaucoup de parité maintenant dans la NCAA. Il n'y a pas autant de grandes équipes qu'on a vues dans le passé avec les Carolina, les Duke, les Georgetown, les Syracuse. On voit maintenant des équipes avec les one and done, les meilleurs joueurs qui s'en vont à Kentucky puis à Duke pendant une année, puis là ils partent. Là, on voit une équipe comme Villanova avec des joueurs de troisième année, deuxième, quatrième année, des joueurs qui veulent rester au collège. Fait qu'on voit la différence. Même on a vu Michigan, la même chose, Kansas avec des joueurs aussi d'expérience de quatrième année. Mais c'est clair que Villanova, c'est la meilleure équipe. Puis ils ont gagné le championnat, mais tu as mentionné une petite école de Loyola Chicago. Personne ne croyait dans leur chance de gagner un match ou deux. Ils en ont gagné 4, puis de se rendre au Final Four. Ça n'arrive pas souvent des petites écoles qui vont faire ça. Ils menaient à la mi-temps contre Michigan. Ils ont donné quand même une certaine frousse à Michigan à la finale. Mais oui, ils menaient par 10 points avec 12 minutes à faire dans le match. Ouais. Il y Ils auraient dû gagner ce match-là. Puis je pense que les autres, quand ils vont regarder le vidéo, ils vont dire, oh boy, Porter Moser, l'entraîneur-chef, on aurait dû gagner ce match-là. Mm-hmm. Mais comme j'ai dit, c'est la parité, puis c'est la première fois qu'on voit un 16 seed, un 16e dans la région gagner un match. Imagine-toi Virginia. Puis je pense que si tu mettais Virginia puis Villanova dans un match hier soir, mm-hmm. je pense que Virginia aurait beaucoup de chances de gagner aussi. Ouais. Mais ils ont perdu dans la première ronde, puis c'est ça qui arrive avec le tournoi de l'NCAA. C'est pour ça qu'ils appellent ça le March Madness, le Madness de fou. Tout peut arriver. Puis cette année, on a vu beaucoup, beaucoup de upsets comme on voit chaque année, mais imagines-tu les Ramblers avec Sister Jean? Ouais. On va parler de ça pendant des années et des années. Effectivement. Peter, il me reste qu'à te remercier encore de ta collaboration. Ce fut fort agréable encore une fois. C'est vraiment le fun de parler de basketball. Puis on va pouvoir te voir compter du 14 avril sur les ondes de RDS. Et on peut t'écouter également sur TSN Radio en anglais. Ben, un plaisir, Danny. Puis on continue. Fait que le basketball est toujours en vie au Québec. Oui, papa. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci beaucoup, Peter. Puis on se reparle l'an prochain. Peter Yiannopoulos de RDS et TSN Radio.